Tu es au courant que Brad Pitt a acheté un château dans la région ? Non, c'est pas vrai. Ici, en Provence ? Je sens que je vais m'évanouir. Incroyable, hein ? Brad Pitt est notre voisin maintenant. C'est le plus beau jour de ma vie. D'après les journaux, il veut même apprendre le français. Tu sais quoi ? On va essayer de le trouver.